penser la faire. Je recompte mes liens devant mon ex. Entre deux chaudages, je me réveille. Je me suis noyé dans la tête. Le bolide monte en flèche. Faut pas tourner dans mon business. Tu mets cette coupe qui nous blesse. C'est l'argent qui m'appelle. Fais ton bien qui vaut que dalle. Cette nuit, je suis pas d'humeur à vouloir savoir ton aide. Il faut des armes, des budgets, y'a c'est plus des grosses caisses. Oh, j'ai rendu fou cette nana. Dans la suite, elle ne pourra.